Chapitre 11e. Le docteur Gasterini habitait une charmante maison dans le faubourg du Roule. Il y arriva bientôt en compagnie du chanoine et de l'abbé Ledoux. « En attendant l'heure du dîner, dit le docteur à ses hôtes, voulez-vous que nous fassions un tour de jardin? Cela me fournira l'occasion de vous présenter les 8 enfants de ma pauvre sœur, mes neveux et mes nièces que j'ai élevés et bien placés dans le monde, le tout par pure gourmandise. Vous voyez, monsieur le chanoine, que nous sommes dans notre sujet. Comment, monsieur le docteur, reprit le chanoine, vous avez élevé cette nombreuse famille par gourmandise? Vous ne voyez donc pas que le docteur continue à se moquer de nous? Dit l'abbé en haussant les épaules. C'est par trop fort aussi. Je vous donne ma parole d'honneur, d'honnête homme, reprit le docteur Gasterini, et je vais vous prouver d'ailleurs dans un instant par des faits que si je n'avais pas été le plus gourmand des hommes, je n'aurais pas su créer à chacun de mes neveux ou nièces l'excellente position qu'ils exploitent en braves gens laborieux, honnêtes, intelligents, et qui concourent, chacun dans sa sphère, à la prospérité du pays. Ainsi, voilà des gens qui concourent à la prospérité du pays, dit le chanoine en regardant l'abbé Ledoux avec ébahissement, et cela grâce à la gourmandise de monsieur le docteur. Non, s'écria l'abbé, ce qui me confond, c'est d'entendre soutenir de pareils paradoxes jusqu'au dernier moment et... Mais s'interrompant soudain, il ajouta, en regardant avec surprise à quelques pas devant lui, « Qu'est-ce donc que ce bâtiment, docteur? On dirait des boutiques. »« C'est mon orangerie, » répondit le docteur. « Et aujourd'hui, ainsi que tous les ans à pareille époque, jour anniversaire de ma naissance, on installe ici des boutiques. »« Comment ?» dit l'abbé. « Des boutiques, et pourquoi faire ?»« Mais parbleu, pour y vendre, mon cher abbé. »« Y vendre? Quoi? À qui ?» Quant à ce qu'on vend, vous allez le voir. Quant aux acheteurs, ils se composent de tous mes clients qui viennent ce soir passer ici la soirée. En vérité, docteur, je ne vous comprends pas. Vous savez, mon cher abbé, que depuis longtemps, on organise souvent des boutiques tenues par les plus jolies femmes de Paris. Hein, très bien, reprit l'abbé. Et le produit de la vente est pour les pauvres? C'est cela même. Le produit de la vente de ce soir est destiné aux pauvres de mon arrondissement. Et par qui ces boutiques sont-elles tenues? Demanda le chanoine. Par les 8 enfants de ma sœur, seigneur Don Diego, ils vendent là, dans le but charitable que je vous ai dit, les produits de leur industrie. Mais venez, messieurs, entrons, j'aurai l'honneur de vous présenter successivement mes neveux et nièces. » Et le docteur Gasterini introduisit ses hôtes dans une vaste orangerie. L'on y voyait en effet 8 boutiques. Les caisses vertes d'un grand nombre d'orangers gigantesques formaient l'entourage et les séparations de ces boutiques, de sorte que chacune d'elles avait pour plafond un dôme de feuillage. « Ah, monsieur le docteur !» s'écria le chanoine, en s'arrêtant devant la première boutique avec admiration. « C'est magnifique! De ma vie, je n'ai rien vu de pareil! C'est magique !»« Le fait est, reprit l'abbé, que c'est un coup d'œil unique. » Voici ce qui causait la juste admiration des hôtes du docteur Gasterini. Les caisses d'orangers formant l'enceinte de cette première boutique étaient ornées de feuillages et de fleurs. Sur des gradins de bois rustique, couverts de mousse, on voyait disposer avec un goût parfait une collection de fruits, de légumes et de primeurs d'une beauté rare. Des ananas d'un jaune d'or à couronne verte surmontaient d'immenses corbeilles de raisins de toutes nuances, depuis le franc cantal d'un noir pourpré jusqu'aux tomeries transparents et vermeils. Des pyramides de poires et de pommes des espèces les plus recherchées, d'une grosseur monstrueuse et diaprées des plus riantes couleurs, avaient pour fête des régimes de bananes, aussi dorés que si le soleil des tropiques les eût mûris. Plus loin, des figuiers nains en pot et couverts de figues violettes dominaient une rare collection de melons d'automne, de courges du Brésil et d'énormes patates violettes et blanches. Plus loin, de petites corbeilles de joncs étaient remplies de fraises de serre chaude, rouges et parfumées, contrastant avec des champignons roses et des truffes énormes d'un noir d'ébène, obtenues sur couche par la nouvelle culture. Puis, enfin, venaient les rares primeurs de cette époque de l'année, asperges vertes et laitues panachées. Au milieu de ces merveilles du règne végétal, qu'elle achevait de grouper d'une manière pittoresque et charmante, on voyait une belle jeune femme élégamment vêtue à la mode des paysannes des environs de Paris. « Je vous présente une de mes nièces, » dit le docteur à ses hôtes, « Juliette Dumont, cultivatrice de primeurs, de fruits de pleine terre et de serre chaude à Montreuil-sous-Bois. » Et s'adressant à la jeune femme, le docteur ajouta « Mon enfant, dis donc à ces messieurs combien toi et ton mari vous employez de jardinier à vos cultures. » Mais, mon bon oncle, nous employons toujours au moins une vingtaine d'hommes. Et leur salaire, mon enfant? D'après vos conseils, mon bon oncle, nous leur donnons en outre des 50 sous de fixe, une part de nos bénéfices, afin de les intéresser, comme nous, à ce que nos cultures soient aussi soignées que possible. Nous nous trouvons le mieux du monde de cet arrangement, car nos jardiniers, ayant avantage comme nous à la prospérité de notre établissement, travaillent avec grand zèle. Aussi, cette année, leur part dans les bénéfices de la maison a porté leur journée à près de 5 francs. Et le mouvement général de vos affaires, de combien est-il à peu près par an, mon enfant? Mon bon oncle, grâce à nos pépinières des plus belles espèces d'arbres à fruits, nous faisons par an pour 80 à 100 000 francs d'affaires. Autant que cela? Dit l'abbé. Oui, monsieur, répondit la jeune femme. Il y a bien des maisons aux environs de Paris, en province, qui sont encore plus fortes que la nôtre. Le chanoine, absorbé par la contemplation de ces fruits si dorés, si parfumés, de ces champignons, de ces truffes, de ces rares primeurs, ne prêtait qu'une attention distraite à la partie économique de l'entretien. Et il ne céda qu'à regret à l'invitation du docteur, qui lui dit « Passons à un autre spécimen de l'industrie de ma famille, monsieur le chanoine, car chacun aujourd'hui part de son mieux sa marchandise. Aussi, dites-moi si ce gaillard-là n'est pas un véritable artiste ?» En disant ces mots, le docteur Gasterini désignait à ses hôtes la seconde boutique. Que l'on se figure, au milieu d'une logette tapissée d'algues, de joncs et de varechs, 3 grandes tables de marbre blanc superposées les unes aux autres à 1 pied d'intervalle et diminuant progressivement de grandeur ainsi que les vasques d'une fontaine. Sur ces dalles, recouvertes d'herbes marines, on voyait un échantillon des coquillages, des crustacés et des poissons de mer les plus délicats. Sur la première tablette, c'était une sorte de haute rocaille, composée de clovis, de bigorneaux, d'huîtres de marraine, d'ostendes et de cancales, engraissées à grands frais dans les parcs. À la base de ce rocher, des langoustes, des homards, des crevettes, des crabes, presque tous vivant sous leur humide carapace, se mouvaient lentement. Sur la seconde tablette, frangée de longues algues d'un vert glauque, se trouvaient les poissons d'une dimension moyenne et d'un goût exquis. Sardines argentées, royant d'un bleu d'outre-mer mêlé de nacre, grondins d'un rose vif, barbus au dos de neige et au ventre rose, etc. Enfin, sur la dernière et la plus large des vasques de marbre, gisaient çà et là de véritables monstres marins, des turbots énormes, des saumons gigantesques, des esturgeons formidables, des thons prodigieux. Un jeune homme au teint hâlé, la figure ouverte et avenante, qui rappelait les traits du capitaine Horace, souriait complaisamment à cette magnifique exhibition de marée. « Messieurs, je vous présente mon neveu Thomas, patron de pêche à Étretat, » dit le docteur Gasterini à ses hôtes. « Et voyez que ces filets ne ramènent pas que du sable. » « Je n'ai vu de ma vie plus admirable, plus appétissante marée, » s'écria Don Diego avec enthousiasme. « Ce serait à la manger crue. Mon garçon, » dit le docteur Gasterini à son neveu. « Ces messieurs désiraient savoir combien de matelots, vous autres patrons pêcheurs, vous employez par chaque bateau. »« Chaque bateau emploie 8 à 10 hommes et 1 mousse, » répondit le patron Thomas. « Vous voyez, mon cher oncle, que ça fait un fier personnel, quand on songe au nombre de bateaux pêcheurs de toutes les côtes de France, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque et depuis Perpignan jusqu'à Cannes. « Et quel salaire ont tes hommes, mon garçon ?» dit le docteur. Nous autres, mon bon oncle, nous achetons filets et bateaux à frais communs. Nous partageons le produit de la pêche, et quand l'un de nous est emporté par un coup de mer, sa veuve et ses enfants succèdent à la part du père. En un mot, nous vivons en association, tous pour chacun, chacun pour tous. Et je vous jure que lorsqu'il s'agit de jeter nos seines ou de les retirer, de crocher dans une voile ou de haler sur une manœuvre, il n'y a pas de fainéant. Tous y vont de bon cœur. Bien, mon garçon, dit le docteur. « Ce que c'est pourtant, monsieur le chanoine, » ajouta-t-il en se tournant vers Don Diego, « ce que c'est pourtant que de déguster, en vrai gourmand, des escalopes de saumon aux truffes ou des filets de sole à la vénitienne. On favorise une des plus nobles industries du pays et l'on pousse à l'amélioration de notre marine nationale. Que cette pensée, seigneur chanoine, vous rende l'esturgeon léger. Lorsque vous le mangerez bien braisé dans son jus, largement piqué de jambon de Bayonne avec une sauce d'huître au vin de Madère, à ces paroles, Don Diego ouvrit machinalement sa large bouche et la referma bientôt en passant sa langue sur ses lèvres avec un soupir de convoitise. L'abbé Ledoux, trop fin et trop sensé pour ne pas comprendre la pensée du docteur, éprouvait un dépit croissant et ne disait mot. Le médecin feignait de ne pas s'apercevoir de la contrariété de son hôte. Prenant Don Diego par le bras, il lui dit, en l'amenant devant la troisième boutique, « Franchement, monsieur le chanoine, avez-vous jamais vu quelque chose de plus coquet, de plus élégant ?»« Jamais, oh jamais !» s'écria Don Diego en joignant les mains d'admiration. « Et pourtant les confetterias de mon pays passent pour être les premières du monde !» Rien, en effet, de plus coquet, de plus élégant, que cette troisième boutique où l'on voyait dans des coupes ou sur des plates de porcelaine tout ce que la friandise la plus raffinée peut imaginer en confitures, conserves, bonbons, etc. Tantôt le sucre cristallisé entourait de ses étincelantes stalactites les plus beaux fruits. Tantôt il formait des pyramides de toutes formes et se diaprait des couleurs les plus vives. Rose avec des pastilles à la rose, vert avec des pistaches glacées, jaune avec les fondantes au citron. Plus loin, des oranges, des limons, des cédras semblaient couverts d'une neige sucrée. Ailleurs, les transparentes gelées de pommes de Rouen et de groseilles de Bar brillaient de l'éclat prismatique du rubis et de la topaze. Plus loin, de larges dalles de nougat de Marseille, blancs comme de la crème fraîche, servaient de socle à des colonnettes de chocolat de Bayonne et de pâtes d'abricot de Montpellier. C'étaient enfin des boîtes de fruits confits de Touraine, aussi frais que s'ils venaient d'être cueillis, et par la vivacité de leurs couleurs, ressemblant à ces mosaïques florentines en pierre fine qui figurent des fruits en relief. Une nièce du docteur Gasterini, jeune et jolie personne, présidait à cette friande exhibition et accueillait son oncle par le plus aimable sourire. « Je vous présente, messieurs, ma nièce Augustine, une des premières confisseuses de Paris. » dit le docteur à ses hôtes, une véritable artiste qui sculpte et peint avec le sucre et dont les chefs-d'œuvre sont littéralement à croquer. Mais cet échantillon de son savoir-faire n'est rien. C'est dans la quinzaine du jour de l'an que son magasin de la rue Vivienne sera véritablement splendide, et je suis sûr qu'elle ménage des surprises aux curieux. « Certainement, mon bon oncle, » reprit en souriant la jolie confisseuse, « nous aurons les bonbons les plus nouveaux, les boîtes les plus riches, les corbeilles les plus galantes, les sacs les plus coquets. Rien que pour tous les accessoires, nous avons un atelier où nous employons 30 ouvrières, sans compter, bien entendu, toutes les personnes occupées dans notre laboratoire. « Qu'avez-vous donc, mon cher abbé ? » dit le docteur au saint homme. « Vous semblez tout soucieux. Est-ce que cela vous contrarie de voir que de la gourmandise dépendent toutes sortes d'industries et de productions qui comptent pour beaucoup dans le mouvement commercial de la France ? Ah, parbleu, vous n'êtes pas au bout. « Bien, bien, » répondit l'abbé d'un air contraint. « Je vous vois venir, vilain homme, mais j'aurai réponse à tout. Allez, allez, je ne dis mot, mais je n'en pense pas moins. Je suis à vos ordres pour la discussion, mon cher abbé, mais en attendant, vous le voyez, monsieur le chanoine, ajouta le docteur en se tournant vers Don Diego, « vous devez déjà être un peu convaincu que vous pouvez sans regret savourer les fruits les plus rares, les poissons les plus exquis et les sucreries les plus recherchées. Bien plus, ainsi que je vous le disais tantôt, que vous êtes riche, cette consommation de friandises est pour vous un devoir social impérieux, car enfin, il faut bien que vous vous rendiez bon à quelque chose en consommant largement, splendidement, afin d'activer et de rémunérer la production. » Et je me sens dans ma spécialité à la hauteur de cette noble et patriotique mission, s'écria le chanoine avec enthousiasme. Vous me donnez la conscience de mes devoirs, monsieur le docteur. Je n'attendais pas moins de la grandeur de votre âme, seigneur Don Diego, reprit le médecin. Mais un jour viendra où ces douces missions de consommateur que vous acceptez avec un si superbe désintéressement sera plus largement répartie. Et de cela nous causerons une autre fois, seigneur chanoine. Mais avant de passer à la boutique suivante, je dois vous demander d'avance votre indulgence pour mon pauvre neveu Léonard, qui préside à l'exhibition que vous allez voir. Pourquoi mon indulgence, monsieur le docteur ? C'est que, voyez-vous, mon neveu Léonard exerce un métier un peu hasardeux. Mais là où est le penchant, il faut qu'on penche. Ce diable de garçon a été élevé quasi comme un sauvage. Mis en nourrice chez une paysanne qui habitait sous la lisière de la forêt de Sénart, il a longtemps été si chétif que j'ai dû le laisser habiter la campagne jusqu'à l'âge de 12 ans. Le mari de la paysanne était un fieffé braconnier, et mon neveu avait la protubérance de la chasse aussi marquée qu'un limier de vénerie. jugez de ce que devint sa passion cynégétique, élevée sous la tutelle d'un pareil père nourricier. À l'âge de 6 ans, Édouard, tout malingre qu'il était, passait la journée dans les bois, tendant des collets aux levrault et aux faisans. Comme un petit homme, à 10 ans, il inaugurait son premier affût par la mort d'un superbe brocard, tué au clair de lune par une belle nuit d'hiver. Moi, j'ignorais alors tout cela. Aussi, lorsque Léonard eut 12 ans, il me parut suffisamment renforcé. Je le repris auprès de moi et le mis en pension. 3 jours après, il escaladait les murs et retournait à la forêt de Sénart. En un mot, seigneur Don Diego, rien n'a pu vaincre la passion diabolique de ce garçon à l'endroit de la chasse. Et ma foi, j'avoue que je me rendis un peu complice de mon neveu en lui faisant un jour cadeau de l'un de ses fusils de Le Faucheux, cet arquebusier de génie dont les armes sont si commodes, si parfaites, qu'elle ferait de vous, cher abbé, un tireur aussi consommé que mon neveu. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Des milliers de familles vivent de même du superflu giboyeux des riches propriétaires qui chassent non pas par besoin, mais seulement par divertissement. Ainsi, seigneur chanoine, en savourant un gigot de chevreuil mariné, un salmi de perdreau ou une cuisse de faisan rôti, je ne vous fais pas l'injure de vous croire capable de préférer l'aile, dites-vous bien que vous aidez à vivre une foule de pauvres ménages.